de ça. Oh, ça fait chier, ça va. Moi, j'entends rien de ce que je fais. Attends. J'entendais un peu, en vrai. Bah, en vrai, genre, le truc, l'acoustique fait que, genre, il y a moyen que tu m'entendes mieux que je m'entends. Ouais, je pense, attends, je pense que je t'entends un peu mieux. Le c'est ça le problème, ouais. Le mettre en mode wedge. Hein? Tu peux le mettre. C'est quoi le mode wedge? Wedge. En mode retour. D'accord. Dans lequel est là. Ouais, fais un petit retour quoi. Thank you.